Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie, MES plus loin sage. La véritable sagesse n'est pas une assurance tout risque, peut-être est-elle une espèce d'ouvre-boîte de la connaissance, aussi elle se différencierait de la vérité, de l'erreur ou de l'ignorance. C'est un espace de recherche joyeux et libre que je vous invite à vivre maintenant. Philosophe médiatisé et adoré. Il sait se faire aimer du public parce que tout le monde aime entendre son modelage d'idées qui manipule comme s'il préparait une bonne recette de cuisine. Je sais qu'il est très ému avant une conférence car il aime toucher l'esprit de la foule et plus que tout leur transmettre une forme d'intelligence simple et ludique. J'ai choisi le sexe comme fil conducteur, la philosophie du désir amoureux, inspirée de son livre Le sexe ni la mort, où il définit l'amour bestial et l'amour sentimental comme deux formes distinctes mais tellement imbriquées et inséparables, tant qu'il y a du respect. Nous allons parler de sexe à la radio, sans vulgarité et sans arrière-pensée, afin de vous offrir aujourd'hui le meilleur du voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie MES plus loin sage. Dépasser le simple désir de domination par le plaisir de prendre son pied, par l'enrichissement du corps et de l'esprit. Message de vie, donner à comprendre. Alors comment un philosophe peut-il voir la sexualité? Parce que pour, comme je disais avant, philosophe il raisonne, alors que pour avoir une notion de la sexualité, faut peut-être être sexologue ou psychothérapeute. Comment vous voyez le sexe? Comment vous abordez le sexe en tant que philosophe, puisque c'est quand même assez rationnel? Oui, bien sûr, mais avant d'être philosophe, on est homme ou femme. Et parce qu'on est homme ou femme, on a un sexe et on a une vie sexuelle. Et je dis souvent que philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Or, dès lors que notre vie, elle est sexuée, il faut aussi penser ça. Alors, c'est vrai que la philosophie est une discipline rationnelle, mais il s'agit de penser notre vie, y compris dans ses dimensions les moins raisonnables, si vous voulez. Un petit peu comme Freud, alors, qui est un psychologue, et non pas un philosophe, mais quand il étudie le rêve, il sait bien que le rêve n'est pas raisonnable, mais il l'étudie rationnellement. Et moi qui suis rationaliste, eh bien je pense que la raison doit nous aider à comprendre, y compris les parties les moins raisonnables de notre vie, et la sexualité en fait partie. Mais ce qui est vrai, c'est que justement parce que le sexe n'obéit pas à la raison, les philosophes souvent sont un peu réticents vis-à-vis de la sexualité. Et pour préparer ce livre, j'ai bien sûr lu, relu beaucoup de textes philosophiques, et j'ai constaté à nouveau que les philosophes qui parlent volontiers d'amour ont du mal à parler de sexualité, justement parce que c'est un petit peu déraisonnable ou apparemment irrationnel. Eh bien j'avais envie moi de relever le défi et de voir ce qu'un philosophe pouvait nous dire sur la sexualité. Voyage intérieur. André Comte-Sponville. Les missions des chercheurs. Qu'est-ce que ça vous a ouvert comme porte par rapport à la réalité en tant que philosophe dans cette recherche? Ça m'a éclairé sur ce qu'il y a de peut-être de plus singulier dans le désir sexuel et dans le plaisir sexuel que j'appelle, enfin qu'on appelle le trouble, parce qu'il y a d'autres plaisirs dans la vie, bien sûr, mais aucun ne nous trouble à ce point. Quand on mange, quand on boit, le plaisir peut être vif, mais il n'y a pas cette dimension de trouble qui se manifeste, par exemple, dans la pudeur. Même les peuples qui vivent nus se cachent pour faire l'amour. Et si on se cache, c'est qu'il y a une dimension de honte ou en tout cas de gêne. Ce sont des choses qu'on ne fait pas en public. Alors reste à comprendre pourquoi ce trouble, pourquoi cette gêne. Mon idée, au fond, c'est qu'il y a une espèce de tension, sinon de contradiction, entre la sexualité et la morale. Non pas bien sûr qu'il soit immoral de faire l'amour, mais il y a cette tension qui tient, et ça Kant l'a bien compris et bien montré, qui tient au fait que, au fond, ce que la morale exige de nous, c'est que nous traitions toujours l'autre comme une personne, comme un être humain. Toujours comme une fin, disait Kant, jamais seulement comme un moyen. Bref, qu'on prenne en compte la dignité de l'autre et donc qu'on lui manifeste du respect. Et moralement, bien sûr, Kant a raison, sauf que sexuellement, traiter l'autre comme un moyen ou s'offrir à l'autre comme un moyen, le traiter non pas comme une personne, mais comme une chose ou comme une bête, non pas reconnaître sa dignité, non pas le respecter, mais au contraire profaner sa dignité, lui manquer en quelque chose de respect, ce n'est peut-être pas moral, mais sexuellement, qu'est-ce que c'est bon ? Et le trouble que suscite en nous la sexualité tient justement au fait qu'il heurte nos exigences morales. C'est parce que nous sommes des animaux moraux que nous sommes des animaux érotiques. Et en ce sens, comme je le dis dans mon livre, l'érotisme est le propre de l'homme parce que, comme l'a bien montré Bataille, il n'y a érotisme que là où il y a transgression. Or, il n'y a transgression que là où il y a interdit, il n'y a interdit que là où il y a morale, il n'y a morale que là où il y a culture. Et comme les êtres humains sont les seuls animaux à avoir une culture, à avoir une morale, les êtres humains sont les seuls animaux à vivre leur sexualité dans la transgression, dans ce trouble-là. Comme le dit Bataille, la sexualité pour un être humain a toujours un goût de forfait ou un goût de péché, y compris quand, comme moi, on ne croit pas du tout en Dieu. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas, ça n'est pas un plaisir anodin. Et de ce point de vue, j'ai le sentiment qu'on est passé au fil des siècles d'une erreur à une autre. Pendant 20 siècles d'Occident chrétien, on a vécu avec l'idée que le sexe, c'était mal, que le sexe, c'était le diable, au fond. Et c'était bien sûr une erreur. Sauf qu'à partir des années 60-70 du 20e siècle, on est tombé, me semble-t-il, dans une autre erreur qui consiste à penser que le sexe n'est qu'un loisir innocent, que finalement, faire l'amour, c'est à peu près comme boire un verre d'eau, croquer une pomme ou boire un verre de vin. Eh bien, je n'en crois rien, parce que jouir du corps de l'autre, pénétrer le corps de l'autre, se laisser pénétrer par lui, ça n'est jamais tout à fait anodin, ça ne peut pas être un plaisir innocent. Et c'est tant mieux. Voilà, moi ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas de sexualité innocente, et c'est tant mieux, parce que c'est pour cette raison-là que nous vivons la sexualité dans le trouble. Message de vie, donné à comprendre. Écoutez Le Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie, MES plus loin sage, aujourd'hui notre invité André Comte-Sponville, le philosophe, dans son ouvrage Le sexe ni la mort. Pourquoi notre civilisation, le sexe est source de transgression, voilà. Et j'ai pensé à une idée, en tant que féminin et masculin, la différence, elle est là, et le sexe est justement un moyen d'être dans l'unité. peut-être, de trouver un seul, unique être. C'est peut-être notre différence qui nous amène à nous accoupler pour trouver cette unité, nous trouver une personne entière plutôt que divisée. C'est ce que dit Aristophane dans le banquet de Platon, et je crois que c'est faux. Je crois que c'est faux parce que pour faire l'amour, il faut être deux, et non pas un. Quand on est tout seul, c'est ce qu'on appelle la masturbation. Alors c'est pas un péché, me semble-t-il, mais on s'accorde ordinairement à juger que c'est sensiblement moins bien. Et même dans le cas qui ressemble le plus à la fusion, à l'unité que vous évoquiez, en cas d'orgasme simultané, donc il faut rappeler malgré tout que ce ne sont pas les plus fréquents, qu'il s'en faut de beaucoup, mais même en cas d'orgasme simultané, pour qu'il y ait orgasme simultané, il faut qu'il y ait deux orgasmes, et non pas un. C'est la condition stricte de la simultanéité. Or, vous ne saurez jamais ce que l'autre a senti ou ressenti pendant que vous jouissiez. C'est ce qu'on appelle la séparation ou la solitude. Et donc, au contraire, moi, ce que j'aime dans le rapport sexuel, c'est la dualité. C'est la rencontre de l'autre, et spécialement pour moi qui suis hétérosexuel, d'un autre tellement différent, puisque en l'occurrence, c'est une femme. Et donc, je ne crois pas tellement, finalement, à ce mythe de la fusion, de n'être qu'un au lieu de deux. Je crois qu'en amour, on est toujours deux, au moins deux, et jamais un. Et c'est pour ça, à nouveau, que c'est tellement fort, tellement bon et tellement doux. Venez faire un tour dans les profondeurs, dans le voyage intérieur. Vous écoutez Le Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie, MES plus loin de sage. Aujourd'hui, notre invité André Comte Sponville, le philosophe, dans son ouvrage Le sexe ni la mort. J'ai pensé encore à un autre jeu de mots, le sexe ni la mort. Je pensais au verbe nier, le sexe ni la mort. C'est-à-dire que le sexe pour moi représente la vie et justement aller à l'encontre de la mort. C'est comme ressentir, faire l'amour, c'est sentir la vie et c'est justement affronter la mort. C'est pas... Oui, bien sûr, mais vous avez raison, ça fait partie du sens du titre. J'ai consacré un développement à cette question-là. On pourrait en effet écrire le sexe ni la mort, non pas N-I comme dans le titre, mais N-I-E du verbe nier. Sauf que ça n'est vrai que pour l'espèce. C'est vrai pour l'espèce parce que la sexualité permet la reproduction et la reproduction permet à l'espèce de survivre. Mais vous et moi, en tant qu'individus, nous n'en mourrons pas moins. Et c'est pourquoi la vie sexuelle nous rappelle notre finitude, nous rappelle notre mortalité. Vous connaissez sans doute ce dicton latin, post coitum omne animal triste. Après le coït, tout animal est triste. Parce que après l'intensité du plaisir de l'orgasme, il y a cette espèce de déperdition de puissance vitale, tout d'un coup on se rappelle qu'on va mourir. Donc oui, le sexe ni la mort, N-I-E du verbe nier, pour l'espèce, il permet à l'espèce de survivre à la mort des individus, mais les individus, eux, n'en meurent pas moins. Et c'est pourquoi la sexualité a aussi ce petit goût de mort, qui en rehausse encore la saveur. Moi, vous savez, finalement, j'aime l'amertume. J'aime la bière, j'aime le café noir. Et je trouve qu'il y a dans l'érotisme ce goût de mort qui, encore une fois, en rehausse encore la saveur. Et si bien qu'il arrive en effet qu'après l'amour, on soit un peu triste ou un peu abattu, pas forcément, pas toujours, mais ça peut arriver. Raison de plus pour profiter de l'amour, du désir, du plaisir quand ils sont là. Message de vie. Donné à comprendre. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Moi non plus. et je me retiens. Série d'émissions de messages de vie, MES Plus Loin Sage, aujourd'hui notre invité André Comte-Sponville, le philosophe, dans son ouvrage « Le sexe ni la mort ». Y a-t-il une différence entre le sexe et l'amour, ou ce sont deux choses qui sont identiques, l'un est lié avec l'autre ? Non, ce sont deux choses différentes. Et c'est pourquoi dans ce livre, j'ai consacré un essai à l'amour et un autre à la sexualité. Ce sont deux choses différentes. Preuve en est qu'on peut bien sûr faire l'amour avec quelqu'un dont on n'est pas amoureux, avec quelqu'un qu'on n'aime pas ou pas spécialement. Et qu'on peut bien sûr être amoureux de quelqu'un avec qui on ne fait pas l'amour. Et c'est justement parce que l'amour et la sexualité sont deux choses différentes que leur rencontre, quand les deux sont présents, et sans doute ce qu'on peut vivre de meilleur, mais reste toujours un petit peu problématique ou difficile. Et d'ailleurs, je dirais plus, non seulement ce sont deux choses différentes, mais en quelque chose, ce sont deux choses qui s'opposent. J'entends par là que lorsqu'on est amoureux ou lorsqu'on aime un homme, une femme, on l'aime dans sa singularité, en tant que cet homme, cette femme est différent de tous les autres ou de toutes les autres. Et on a même tendance à la porter au pinacle, à célébrer ses qualités. Alors que dans la vie sexuelle, au contraire, il y a quelque chose de beaucoup plus indéterminé. Au fond, je ne suis amoureux que d'une seule femme, je n'aime qu'une seule femme. Mais si je me promène dans les rues de Colmar ou de Paris, je croise dans une demi-journée des dizaines de femmes que je trouve tout à fait désirables. Voilà. L'amour est singulier, le désir, il est général. L'amour a tendance à célébrer l'autre, à le porter au pinacle, comme je le disais. La sexualité a parfois plaisir à rabaisser l'autre, à le traiter au fond comme n'importe qui. Et à nouveau, cette ambivalence, cette tension entre la singularité de l'amour et la généralité, l'aspect quasi indéterminé du désir sexuel, ça fait partie de ce trouble très singulier. J'ai envie de dire, pour parler vulgairement, on aime une femme comme une déesse et on la baise comme une pute, si vous voulez. Et dans cette tension-là, il y a à nouveau quelque chose qu'on ne vit que dans la sexualité. Or, c'est la même femme ou le même homme, en l'occurrence. Voilà, on fait l'amour comme des bêtes parce qu'il y a dans la sexualité cette dimension animale, quasi bestiale, et on s'aime comme des êtres humains. Vous voyez, et bien sûr, il n'y a pas à choisir l'un ou l'autre. Au contraire, il faut vivre les deux. Vous voyez, mais si dans notre vie sexuelle on manifestait le même respect qu'on manifeste dans un couple, dans la vie quotidienne, bah reconnaissons que la vie sexuelle n'aurait plus ce trouble, ce charme, cette force, cette violence parfois. Et inversement, si on manifestait dans la vie quotidienne d'un couple le même irrespect, la même violence du désir que dans la vie sexuelle, le couple serait infernal, évidemment. Vous voyez, et c'est pourquoi les amants sont amenés à vivre selon ces deux registres, le respect, la douceur, l'estime, l'admiration, parfois l'amour dans la vie quotidienne, Et puis, dans les moments de rencontres sexuelles, la violence quasi indéterminée, presque animale, du désir. J'aime bien qu'il y ait les deux et que ce soit deux choses différentes. Bon, vous l'avez compris, mais je pense à nos adolescents, comment on aborde la sexualité très tôt par les films pornographiques, les hommes et les femmes qu'on affiche dans les médias comme des objets, l'éducation sexuelle elle est, ou religieuse, donc il y a des interdits. Comment on peut aborder le sexe dans ces notions ? Ben ça, c'est un vrai problème, c'est que... J'ai regardé beaucoup de films porno sur Internet pour écrire ce livre. Or, j'en ai pas vu, moi, depuis 20 ou 30 ans, quand les films porno ont été autorisés en France. Ça devait être dans les années 70. J'étais allé en voir deux ou trois par curiosité. D'ailleurs, ça m'avait assez vivement frappé, mais je n'en avais pas vu depuis. Et là, j'en ai regardé pas mal sur Internet. Et pour tout vous dire, j'ai été à la fois effaré et effrayé. Non seulement par la bêtise et la vulgarité, la nullité esthétique de ces films, mais encore davantage par leur violence et par leur misogynie. Parce qu'il y a dans le porno, qui sont en fait des films faits par les hommes presque toujours et pour les hommes presque toujours, une espèce de haine ou de mépris des femmes que je trouve là pour le coup effrayant. Et comme en effet nos adolescents découvre la sexualité aujourd'hui sur Internet par le porno, je trouve qu'il y a quelque chose de très déstabilisant et de très malsain, et que c'est une raison de plus pour développer l'éducation sexuelle, parce que autant il y a cette dimension quasi animale dans la sexualité, mais à condition qu'il y ait aussi, comme je disais, le respect et donc la tension entre l'animalité du désir et l'humanité de l'amour. S'il n'y a plus que le sexe sans amour, alors disons-le clairement, ça ressemble terriblement à la haine, au mépris et à la violence. Et donc il faut dire à nos adolescents, bien sûr, que la sexualité, ça n'est pas ce qu'on leur montre dans les films porno, qui sont d'ailleurs, à mon avis, tout à fait déstabilisants pour nos jeunes gens, pour les jeunes filles, parce que on leur présente une image de la femme tellement dégradée, humiliée, avilie qu'elles ne peuvent pas s'y reconnaître. Et pour nos jeunes garçons aussi, me semble-t-il, parce qu'on leur montre des hommes d'abord qui sont montés comme des taureaux, comme on dit, et puis dont par tel ou tel artifice, ne serait-ce que de montage, on a le sentiment qu'ils ont des érections qui n'en finissent pas, si vous voulez. Et donc nos jeunes filles se sentent humiliées par l'image de la femme que le porno leur montre, et nos jeunes garçons ont le sentiment qu'ils ne seront jamais sexuellement à la hauteur. Autrement dit, ça n'est bon ni pour les uns ni pour les autres. Alors, on ne peut pas interdire Internet, on ne va pas supprimer le porno du jour au lendemain, mais je crois qu'il faut être vigilant sur cette question-là. Je crois qu'il y a des films d'une telle violence misogyne qu'ils devraient en effet être interdits. Et puis surtout, encore une fois, il faut expliquer à nos adolescents que le sexe, ce n'est pas ça, et que s'il y a en effet une dimension animale dans la sexualité, ça n'est acceptable que sur la base de la liberté, de l'égalité et de la réciprocité, et c'est ça que nos histoires d'amour nous permettent. Autrement dit, une histoire de cul, pour parler vulgairement, et une histoire d'amour, ce sont deux choses différentes, qu'on peut vivre merveilleusement ensemble, mais s'il n'y a plus que le cul sans amour, alors reconnaissons que c'est une image tout à fait dégradée et dégradante de l'humanité. Message de vie, entendre un monde qui nous entoure. André Comte-Sponville. Je pensais à la prostitution et à la pornographie, mais que pensez-vous de la prostitution? Parce qu'il y a une époque où les femmes initiaient les hommes à la sexualité, une époque où les grands guerriers étaient initiés par des femmes âgées, des femmes mûres. Il y avait des initiatrices justement pour aider les hommes à comprendre mieux le corps d'une femme, pour aborder leur sexualité. Vous étiez au courant? Ça vous parle, ça? La prostitution, ça me parle, mais en vérité, la prostitution, telle qu'elle fonctionne en réalité, c'est bien autre chose. Ce sont des femmes asservies, le plus souvent sous la coupe de proxénètes, des femmes vouées à la prostitution par la violence parfois et par la misère presque toujours. Et donc la prostitution, c'est d'abord un malheur, et le proxénétisme est d'abord une horreur. Et donc je pense qu'il faut bien sûr combattre la prostitution, je ne dis pas l'interdire, et puis combattre et interdire le proxénétisme. ce qui permettrait du même coup à notre vie sexuelle, y compris à cette dimension d'initiation. Si une femme mûre veut initier un jeune adolescent, alors là, pour le coup, ce n'est pas difficile. Et Internet peut permettre justement ce genre de rencontres. Il y a des milliers d'adolescents qui ne demanderaient pas mieux. Et je pense qu'il y a d'ailleurs des milliers de femmes mûres ou expérimentées qui ne demanderaient pas mieux non plus. Mais à nouveau, sur la base d'une réciprocité, sur la base d'un respect mutuel. Un être humain, ça n'est pas une marchandise. Et ce qu'il y a de choquant dans la prostitution, bah, c'est justement de traiter l'autre comme une marchandise. On paye et on jouit du corps de l'autre. Et donc, ça n'est pas un service sexuel, parce que certains vous disent, mais finalement, quand on va au restaurant, le cuisinier vous fait la cuisine, quand on va voir une prostituée, elle vous fait l'amour. C'est pas la même chose. Parce que quand on va au restaurant, le cuisinier fait la cuisine, mais ce n'est pas le cuisinier qu'on mange. On mange le plat, le mets que le cuisinier a préparé. Quand on va chez une prostituée ou avec une prostituée, le plat, c'est la prostituée elle-même. Et donc, ça n'est pas comparable à de la restauration, à de la gastronomie. C'est comparable à de l'anthropophagie. Et donc, c'est tout à fait autre chose. Voilà. Et donc, il faut à nouveau rappeler à nos jeunes gens que le corps humain n'est pas une marchandise et que donc, il ne saurait en aucun cas rentrer dans une relation marchande. J'ai une autre idée qui me passe par la tête par rapport à la violence sur les femmes. On dit qu'il y a beaucoup de violences qui se font sur les femmes. Est-ce que vous pensez que c'est en rapport avec la sexualité? Parce qu'un homme sans sexualité a une tendance à être violent, peut-être agressif, s'il n'a pas vraiment... d'où la prostitution qui aide. Mais est-ce que vous avez une idée par rapport à ça? Vous croyez que la sexe est un moyen de violence sur les femmes? Oui, je crois qu'il y a un rapport, bien sûr, chez les hommes, chez presque tous les hommes, entre le sexe et la violence. Sade l'a écrit dans son livre La philosophie dans le boudoir. Sade écrit « Tout homme est un tyran quand il bande ». Autrement dit, il y a dans le désir sexuel masculin cette force, cette violence, cet irrespect, l'envie finalement de profaner l'autre, de porter atteinte à la liberté de l'autre. Et c'est pourquoi justement on a besoin de morale dans la vie sexuelle. C'est justement parce que le sexe est foncièrement amoral que les amants ont besoin d'avoir une morale. Parce que s'il n'y a que le sexe sans la morale, eh bien ça débouche inévitablement sur le viol et la prostitution. Et ce que je crois, c'est que et le viol et la prostitution nous disent quelque chose d'essentiel sur la sexualité, en tout cas masculine. Et que si on fait l'impasse sur ces deux réalités, le viol, la prostitution, on ne comprend rien à la sexualité masculine. Et donc ça veut dire que la violence du désir, et peut-être spécialement du désir masculin, mais c'est celui que je connais le mieux, a besoin d'être tempérée, j'allais dire par la douceur des femmes, oui peut-être, mais aussi par la rigueur de la morale. Voilà. Encore une fois, le sexe n'a pas de morale, c'est pourquoi nous avons besoin d'en avoir une. Un homme peut-il aimer une femme juste à cause du sexe ? Écoutez, moi j'ai lu pour un débat que nous faisions ensemble le livre de Beck BD, L'amour dure 3 ans, que d'ailleurs un livre assez plaisant et amusant. Et dans ce livre, il dit qu'il arrive souvent qu'une histoire de cul devienne une histoire d'amour. L'inverse, dit-il, n'arrive presque jamais. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai, c'est-à-dire que dans notre époque relativement libérée, je dirais heureusement libérée, on peut très bien commencer par une histoire de cul, comme dit BBD, une histoire purement sexuelle, et puis on apprend à aimer l'autre. Alors qu'inversement, si on commence immédiatement par le sentiment, par une histoire d'amour, il y a à craindre parfois qu'on n'ait jamais tout à fait cette liberté sexuelle, justement, ce que j'évoquais, cet aspect trouble, animal, pulsionnel de la sexualité. Et donc le mieux, c'est bien sûr de vivre les deux. Voilà, parce que le sexe sans amour, je le disais, ça ressemble terriblement à de la haine, t'as toujours quelque chose de triste, finalement, de misérable. L'amour sans sexe a quelque chose d'éthéré qui ne peut pas, me semble-t-il, nous satisfaire. Et c'est pourquoi la rencontre entre les deux est à ce point délectable. Donc la femme, elle, au contraire, a besoin d'amour pour faire du sexe. Alors c'est une idée que j'évoque dans ce livre, mais il faut toujours se méfier des généralités. Mais il me semble en effet que pour la plupart des hommes, l'amour est au service de la sexualité. Et que pour la plupart des femmes, c'est l'inverse. La sexualité est au service de l'amour. On a pu dire, c'est, là encore c'est une boutade, mais qui donne à penser, on a pu dire qu'un homme était prêt à tout pour faire l'amour, y compris à aimer. Et qu'une femme était prête à tout pour aimer et être aimée, y compris à faire l'amour. Alors, encore une fois, c'est une boutade, surtout pour le deuxième terme du parallèle. Mais cette boutade a une part de vérité, c'est qu'il y a en effet une asymétrie, me semble-t-il, dans l'importance respective qu'hommes et femmes accordent au sexe d'un côté et à l'amour de l'autre. Je crois qu'en effet, pour les hommes, le sexe est encore plus important que l'amour, que pour les femmes, l'amour est encore plus important que le sexe. Et c'est pourquoi dans leur rencontre, chacun des deux trouve son plaisir, son bonheur parfois, puisqu'ils ont et l'amour et le sexe, et donc en un sens, tout le monde est content, mais malgré tout, cette asymétrie demeure, et je crois que cette asymétrie explique en partie et la difficulté et le charme de nos histoires d'amour. Hey oh hey oh hey hey oh hey tariku danuku januku genuku tum hey oh hey oh pito pito chananane chum chum baba bo pata bagi bam pasta taka demi ha ha ha tarikita tum ta din takita tak janu takita taga demi takita di tarikita taka tarikita tarikita taka tarikita taka taka gu tarikita taka tam ha ha ha ha ta di nutta demi ta ta ta jam ta di ta Tadana ta, tajana ta, takita taka, tadino tadimita, tajam taditam, tadanatam, tajanatam, takita taka, tadino tadimita, tajam taditam, tadanatam, tajanatam, takita taka, dino tadimita, tajam taditam, tadanatam, tajanatam. Takita taka ditta kata jam taditam. Kurta kata talang kata kata kata ditta kata jam taditam. Kurta kata talang kata kata tam dinam dikikinam. Ha ha ha ha ha. Message de vie, une émission produite par Richard Federman. Vous écoutez Le Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie, MES plus loin sage, en présence du philosophe André Comte-Sponville, Le sexe ni la mort. Alors votre livre, vous l'avez écrit un peu pour... Vous pouvez boire en même temps, c'est aussi... votre livre, vous l'avez écrit un petit peu pour sauver le couple, alors c'est pour aider le couple à... Oui, exactement, j'ai écrit ce livre pour sauver nos couples, sauver nos histoires d'amour, parce que j'étais un peu agacé, au fond, par le fait que toute la littérature, tout le cinéma ne célèbre que les premiers mois de nos histoires d'amour, donc la passion amoureuse dans sa folie, dans sa démesure, s'intéresse parfois à la fin de nos histoires d'amour, la séparation, la rupture, mais que les dizaines d'années qui peuvent les séparer, puis il arrive que la séparation n'arrive jamais, on sait la séparation par la mort simplement, c'est comme si les romanciers et les cinéastes, ça ne les intéressait pas ou comme s'ils n'avaient rien à en dire. Et je crois qu'en effet, un couple heureux en quelque chose n'a pas d'histoire et donc ça ne ferait pas un bon roman, mais ça existe. Eh bien moi, je vais vous dire, j'aime les couples quand ils sont heureux. Et j'avais envie de comprendre ce que c'est qu'un couple heureux, pourquoi ça peut exister, pourquoi ça peut durer. Et si ça peut durer, bah c'est que justement la passion amoureuse n'est pas la seule forme d'amour. Alors c'est ce que dans le livre j'appelle Eros, c'est le nom que les Grecs donnaient à la passion amoureuse, c'est-à-dire le manque dévorant de l'autre. Et donc comme le monde Platon, si l'amour est manque, eh bien on n'aime que celui ou celle que l'on n'a pas. Et si on arrive à séduire l'autre, eh bien on vit ensemble. Mais comme on vit ensemble, il n'y a plus de manque. Et si l'amour est manque, s'il n'y a plus de manque, il n'y a plus d'amour. Et c'est pourquoi la passion amoureuse ne dure pas. C'est une vérité d'expérience. Tant qu'on n'a pas compris ça, on est à côté de l'essentiel. Mais ça ne veut pas dire que le couple soit voué à l'échec. Parce que s'il existe des couples heureux, ça veut dire qu'il peut exister une autre façon d'aimer. Un couple heureux, ça n'est pas un couple qui aurait trouvé le secret pour faire durer indéfiniment la passion amoureuse. Arrêtons de rêver. Non, c'est un couple qui a trouvé une autre façon d'aimer, alors qu'en grec, on n'appellerait plus Eros, mais Philia. C'est plus l'amour selon Platon, c'est l'amour selon Aristote ou selon Spinoza, beaucoup plus tard. Ça n'est pas le manque, c'est la joie. Aimer, c'est se réjouir, disait Aristote. Je dirais aimer, c'est jouir et se réjouir de l'existence de l'autre, de la présence de l'autre, de l'amour de l'autre. Si bien qu'on comprend ce que c'est qu'un couple malheureux, c'est un couple, comme je le dis dans mon livre, qui est tombé de Platon en Schopenhauer. Quand il n'y a plus de manque, il ne reste que l'ennui. Et qu'est-ce que c'est qu'un couple heureux? C'est un couple qui est monté de Platon en Aristote, de Platon en Spinoza. Quand il n'y a plus de manque, il reste la joie. Et bien cette joie de vivre à deux, ça existe. Nous sommes des millions à l'avoir vécu, à le vivre, et ça peut durer toute une vie. Si bien que pour sauver nos histoires d'amour, il faut arrêter de se faire des illusions sur la passion amoureuse. Voilà. C'est pourquoi j'ai entrepris dans ce livre de sauver le couple contre les illusions et donc contre les désillusions inévitables de la passion amoureuse. Mais la passion, ça crée une énergie forte. Comment se nourrir d'une autre énergie? Parce que le désir et la joie créent aussi une énergie forte. Et justement, un couple heureux, c'est un couple où le désir existe. Non pas dans le manque c'est la frustration sexuelle, le vrai nom du désir, c'est ce que Spinoza appelle la puissance, au sens où on parle de la puissance sexuelle. Un homme en manque, c'est un homme frustré, et chacun sait, surtout les femmes, que les hommes frustrés font rarement les meilleurs amants. Un homme puissant, c'est un homme qui n'a pas besoin d'être en manque pour avoir plaisir et désir à faire l'amour, si vous voulez. Même chose, bien sûr, pour une femme, la puissance de jouir et de se réjouir existe bien sûr chez les femmes tout autant que chez les hommes. Donc voilà, il faut passer de la violence du manque, qui est la passion amoureuse, à la puissance de la joie et du désir. Agapé, il manquait agapé. Alors agapé, c'est le troisième nom grec de l'amour, on va terminer par là. Alors c'est ce qu'on appelle en français l'amour de charité, c'est l'amour... Selon Jésus-Christ, si l'on veut, selon Simone Weil, philosophiquement, c'est l'amour qui renonce à exercer au maximum sa puissance, c'est l'amour qui refuse d'occuper tout l'espace disponible, qui accepte d'exister un peu moins pour que l'autre puisse exister un peu plus. Autrement dit, agapé, c'est ce halo de douceur qui vient tempérer la violence du manque et la violence parfois de la joie, du désir, et je crois qu'on en a besoin. Alors, est-ce qu'on peut le vivre vis-à-vis du prochain, comme le réclament les évangiles, c'est-à-dire vis-à-vis de n'importe qui? J'en doute. Pour moi, c'est plutôt un idéal qu'une réalité. Disons que cet amour-là peut-être ne brille que par son absence. Mais il brille, il nous éclaire et il indique au moins une direction vers laquelle on peut essayer d'avancer, qui serait la direction d'un amour universel. À défaut d'en être capable, parce qu'on n'arrive jamais à aimer tout le monde et n'importe qui, faisons preuve au moins de douceur, d'un peu de charité vis-à-vis de nos proches. Et je crois que c'est possible dans le couple, c'est possible dans la famille, puisqu'au fond, les parents ne cessent d'avoir cette douceur vis-à-vis de leurs enfants, ne cessent d'accepter d'exister un peu moins pour que leurs enfants, eux, puissent exister un peu plus. N'a-t-il pas d'amour heureux? André, est-ce que vous êtes heureux? Oui, je suis heureux comme tout le monde, comme tout le monde, sauf ceux qui sont malheureux. Je suis à peu près heureux, c'est-à-dire heureux. Heureux en couple, et j'ai aussi écrit ce livre qui est dédié à ma compagne parce que j'avais envie de rendre grâce à cette femme en l'occurrence, mais aussi à ce qu'on a vécu et rendre grâce à l'amour. Ce qui n'empêche pas des moments d'angoisse ou de souffrance. Il faut, de même qu'il faut sauver l'amour contre les illusions et les désillusions de la passion amoureuse, de même il faut sauver le bonheur réel, relatif, limité, comme tout ce qui est réel, contre les illusions d'un bonheur absolu. Tant qu'on rêve à un bonheur absolu, à une joie constante, permanente, immuable, ce que j'appelle la félicité, on ne sera jamais heureux. Et même on sera malheureux absurdement de n'être pas heureux. Si au contraire on accepte que le bonheur est toujours relatif, qu'on est plus ou moins heureux, alors on est heureux tant qu'on n'est pas malheureux. Et je crois que c'est ça la véritable définition du bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est simplement le contraire du malheur. Qu'est-ce que le malheur? C'est quand toute joie paraît immédiatement impossible. Qu'est-ce que le bonheur? C'est quand la joie paraît immédiatement possible. Pas toujours réelle. Il y a des moments où on est joyeux, des moments où on ne l'est pas. On peut avoir ces moments de cafard, d'ennui, d'angoisse, ces soucis, ces fatigues. Mais la joie est possible. Elle vient, elle s'en va, elle revient. Et bien, tant que la joie est immédiatement possible, ça veut dire qu'on est à peu près heureux, c'est-à-dire heureux. Et avant de vous laisser partir, c'est quoi votre quête de chaque jour, votre grand questionnement, votre recherche à vous? Quelle est votre quête? J'ai envie de dire, comme celle de tout le monde, en apparence, c'est le bonheur. Sauf que si c'est le bonheur que vous aimez, vous n'aimerez la vie que lorsque vous êtes heureux, c'est-à-dire pas toujours et parfois pas si souvent que ça. Moi, je dis toujours que la grande question, c'est comment arriver à aimer la vie. Il ne s'agit pas d'aimer le bonheur, on n'a pas besoin d'être philosophe pour aimer le bonheur. N'importe quel crétin est capable d'aimer le bonheur. Il ne s'agit même pas d'aimer la sagesse. N'importe quel philosophe est capable d'aimer la sagesse. C'est l'étymologie même du mot philosophia, l'amour de la sagesse. Non, il ne s'agit pas d'aimer le bonheur, il ne s'agit pas d'aimer la sagesse, il s'agit d'aimer la vie heureuse ou malheureuse, sage ou pas. Et bien sûr, aucune vie n'est heureuse à 100%, aucune vie n'est sage à 100%. Mais si c'est la vie que nous aimons, alors nous serons contents de vivre tant que nous ne serons pas morts, y compris dans les moments difficiles. Et donc la grande question, encore une fois, c'est comment arriver à aimer la vie, y compris quand elle n'apparaît pas aimable, y compris quand elle est difficile, y compris avec ses soucis ou ses angoisses. Et c'est la sagesse de Montaigne. À la fin des essais, Montaigne écrit simplement « Pour moi donc, j'aime la vie ». Et bien voilà, la philosophie est là pour nous aider à aimer davantage et mieux la vie. C'était André Comte Sponville, « Le sexe ni la mort », son ouvrage aux éditions Albin Michel, est notre invité aujourd'hui. Rapprochez-vous aussi de Michel de Montaigne, « Pourquoi le sexe divise ?» et des lectures de Friedrich Nietzsche. Un film à voir également de Stanley Kubrick, « Eyes Wide Shut ». Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre aventure du voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie, MES plus loin sage. Ciao.